c'est vous, cette île souveraine et tranquille, où l'on vient en chantant, où se taisent les vents. Connaissez-vous cette île souveraine et tranquille, qui bat d'un cœur d'enfant, où l'on vit sans tourment, sauf quand meurt un oiseau, on est triste aussitôt, mais ça dure pas longtemps, parce qu'on reprend son chant. Sous la